dans le fantôme, le sweet, le fumier du printemps. Avec Bernard Adamus, Lisa Leblanc, Nomadic Massive, Canaille, Kate Kuna, Marie-Pierre Arthur et plusieurs autres. On est parti bon matin pour Québec, tout à la bêche, quand t'as qu'à sortir 138, on pogne à flat, c'est bon la main. Le Festival de la chanson de Tadoussac, le plus grand des petits festivals. Informez-vous au 1-866-861-4108. Billets en vente sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Elle s'appelle Fillette aux grands yeux, elle s'appelle Marchand au melon, elle s'appelle Comtesse de Saint-Gueux, la vie est belle sous ses jupons. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure, une heure remplie comme à l'habitude de musique gratuite. Une petite pause la semaine passée, donc ça fait plaisir d'être de retour. Je m'ennuyais vraiment de vous, donc cette semaine encore plein de bonne musique. Je vous ai fait une sélection un petit peu étrange, un petit peu de musique électronique pour débuter. Ensuite de ça, on va aller plus, on va se tourner un peu plus du côté rock. On va ouvrir l'émission avec une pièce publiée sur l'excellente étiquette Fresh Pulp Records. C'est tiré de leur compilation Pulp Pop Brazil, donc une compilation d'artistes brésiliens. L'équipe de Fresh Pulp Records qui aime toujours faire un tour de planète, donc une compilation vraiment intéressante, beaucoup de dub et de trucs toujours excellents de la part de Fresh Pulp. Donc on va débuter, j'ai pas le nom de l'artiste, je vais vous donner ça tout de suite après, donc on commence tout de suite puis je vous reviens tout de suite après. Thank you.

god! The more takes you do, the smoother it'll get. We'll be right back. vous êtes toujours à l'émission Web Musique. J'ai eu quelques petits problèmes donc à mettre en ligne l'émission de cette semaine. La playlist, c'est maintenant complet, c'est disponible. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, on vient d'entendre le groupe Mechanless avec la pièce Lost in Stone. C'était sur l'étiquette Are You Living Records. Avant ça, on entendait une pièce publiée sur l'étiquette Empathy Recording. C'était Holox and Technism. C'était la pièce Modern Stalking. C'était plutôt un remix de Double Negative. Avant ça, on avait débuté de la pièce de Bungia Dub, la pièce Liberate. C'était sur la compilation Pull Pop Brazil sur l'excellente étiquette française Fresh Pulp Records. Donc on va poursuivre avec un groupe espagnol, il s'agit de Nolt. Je vous fais entendre la pièce Gouda Baya, c'est sur l'étiquette La Gramola Net Label. You are my

vraiment excellent, tout à fait épique à CKRL. Donc, c'était de la Grèce. C'était Sadness avec la pièce Loneliness. Vraiment excellent. Je vous recommande leur album Omnia Fert Aetas. Excusez mon grec. Vraiment excellent. Donc, allez le télécharger. Ça vaut vraiment la peine. On va poursuivre cette fois-ci avec un artiste de la ville de Madrid en Espagne. Il s'agit de Musica para Caos avec sa pièce Subaquatica. C'est tiré de son album donc qui s'intitule Otro Viaje con Jacques Cousteau. Un album que je voulais vous faire tirer, mais l'artiste m'a envoyé son album par la poste. Mais il faut croire que la distance entre l'Espagne et le Québec est assez grande parce que je ne l'ai pas reçu. Je devais le recevoir ce soir pour vous le faire tirer, donc ça ira peut-être la semaine prochaine si je finis par le recevoir. Donc c'est ça, on va entendre la pièce Subaquatica de Musica para Caos. Ensuite de ça, ben, ça va être une pièce de Heidi Harris, une artiste qui nous vient de la ville de Astoria dans l'état de New York. C'est une pièce donc de Heidi Harris remixée par Johnny Ripper, c'est un artiste montréalais. Je vous fais entendre la pièce remixé donc Maple. On va écouter ça tout de suite après Musica para Chaos. Thank you. C'était donc une pièce de Heidi Harris remixée par Johnny River qui nous vient de Montréal. Heidi Harris qui nous vient de la ville de Astoria dans l'état de New York. C'était la pièce Maple. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Je vous invite à visiter la page de l'émission pour avoir accès à la playlist de l'émission et ainsi qu'à la balado-diffusion si vous avez manqué des bouts d'émission. Tout ça, ça se retrouve au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, on va se quitter sur une dernière pièce. Avant, je vais vous rappeler de rester à l'écoute. C'est la croche-oreille qui s'en vient tout de suite après avec Jean-Pierre Gay et Ariane Plante. Donc, on va se quitter sur une pièce de Lost Arbors. C'est un peu de piano. Ça nous vient de l'Angleterre. Je vous fais entendre la pièce Clouds Wonder. Vous allez voir, vraiment, vraiment bon comme pièce. On se quitte là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission de Web Musique. Thank you.